cartons bien calés dans le camion. Je fais un dernier tour de ma maison. Ça fait bizarre de se dire qu'on viendra pas, que demain des gens vivront sous ce toit. J'en connais les moindres recoins, le garage et tous ses engins, la cave où on trouve un tigrou, notre petit félin, nous. La maison de mon enfance renferme mes souvenirs, même si à l'évidence ils vont se faire couvrir par d'autres bons moments vécus par d'autres gens, comme un millefeuille de vie cuisiné par le temps. Ça fait maintenant 6 ans qu'on est parti, et j'y repense quand je suis dans mon lit. Heureusement, je n'ai plus peur du noir, car même la porte ouverte sur le couloir, je vois plus la chambre de mes parents. C'est bête, c'était très rassurant. Tigrou aimait bien y squatter, chassait pas le chausson du padré. La maison de mon enfance renferme mes souvenirs, même si à l'évidence ils vont se faire couvrir par d'autres bons moments vécus par d'autres gens, comme un millefeuille de vie cuisiné par le temps. Aujourd'hui je retourne voir ma maison, je grimpe sur le muret sans être vu. Ils ont coupé l'arbre où j'aimais grimper. Mon bac à sable est une salle de muscu. Ils ont bouché sous l'escalier, c'était ma planquette préférée. Avec Tigrou on s'y cachait, une bêtise on disparaissait. J'ai l'impression amère d'avoir laissé derrière moi tous ces moments d'hier, de bonheur et de joie, comme une poignée de terre jetée dans le grand trou du petit chat qu'on enterre et qui s'appelait. Tigrou.